Guinée. Ce coup touré a dit ses vérités à De Gaulle. Mais en Côte d'Ivoire, qui a tiré sur le pont De Gaulle? En Guinée, ce coup touré a dit ses vérités à De Gaulle. Mais en Côte d'Ivoire, qui a tiré sur le pont De Gaulle? En Guinée, ce coup touré a dit ses vérités à De Gaulle. Mais en Côte d'Ivoire, qui a tiré sur le pont De Gaulle? C'est pas moi, c'est toi. Non. C'est pas moi, c'est lui. Non. C'est pas moi, c'est sans deux. Mais qui alors? C'est pas moi, c'est toi. Non. C'est pas moi, c'est lui. Non. C'est pas moi, c'est sans deux. Mais qui alors? Ce sont des Français tête en l'air, assis dans des hélicoptères, toujours prêts à bombarder la terre, sur laquelle je planterai des pommes de terre. Ce sont les Français tête en l'air, assis dans des hélicoptères, toujours prêts à bombarder la terre, sur laquelle je planterai des pommes de terre. Ce sont les Français tête en l'air, assis dans des hélicoptères, toujours prêts à bombarder la terre, sur laquelle je planterai des pommes de terre. Ce sont des Français tête en l'air, ils bombardent ma terre, assis dans des hélicoptères, ils me regardent face à ma misère. N'ai pas connaissance, en prie encore une fois aux éléphants, au fin fond de la forêt. Les braconniers ont massacré encore une fois les éléphants au fin fond de la forêt. Les braconniers ont massacré encore une fois aux éléphants au fin fond de la forêt. Les braconniers ont massacré aux éléphants au fin fond de la forêt. Slowly. À De Gaulle, mais en Côte d'Ivoire, qui a tiré sur le pont De Gaulle? En Guinée, ce coup touré a dit ses vérités à De Gaulle. Mais en Côte d'Ivoire, qui a tiré sur le pont De Gaulle? Tête en l'air, dans les airs, tête en l'air, en haute mer, tête en l'air. Dans le désert, tête en l'air, même les deux pieds sur terre, tête en l'air, dans les airs, dans les airs, en haute mer, dans les airs, dans le désert, dans les airs, même les deux pieds sur terre, dans les airs, ils sont tous tête en l'air, dans les airs, ils sont tous tête en l'air, même les deux pieds sur terre, choisissez. L'enfer et le paradis sur terre. Choisissez. Choisissez entre l'enfer et le paradis sur terre. Choisissez. Vous avez le choix.